En 1916, il y a 199 ans, si Mary Wollstonecraft Shelley n'avait pas écrit son putain de roman Frankenstein, je ne serais certainement pas devenu un savant fou. C'est effectivement suite à la lecture de cet ouvrage, que j'ai lu la même année bien sûr, que j'ai pris la décision, tout comme Victor Frankenstein, de consacrer la plus grande partie de mes occupations à réanimer les morts. Si ce n'était pas de Mary Shelley, je serais encore sain d'esprit et j'aurais des occupations normales et saines qui ne permettraient à personne de me montrer du doigt et de me placer dans la catégorie des personnages dérangés et voire cruels. Pourquoi? Parce qu'avant, la cagoule que je portais ne permettait à personne de me reconnaître. J'étais bourreau. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il suit la tendance, soit celle de couper un peu partout. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are undead incorporated, 'cause I, Pendragon, said so. Go. We'll be right back. exploration. C'est fou. 89.1. Samedi le 28 février prochain à 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente le spectacle des formations Renard Blanc et Noël. 5$ à la porte. Pour une soirée indie alternative, à la fois rock, pop et folk, soyez au rendez-vous ce samedi 28 février à votre café-bar Le Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Au confluent de deux rivières. Les 20 et 21 mars prochains à la Bâtisse industrielle, Trois-Rivières Metal, en collaboration avec Long & McQuaid, Lapus Rock et Cifu 89.1 présentent le Trois-Rivières Metal Fest 14e édition. 16 groupes sur deux soirs étant vedettes Gorguts, Terrorizer, Cryptopsy, Razor, Godly Throne et Flesh God Apocalypse. Billets en prévente chez Long & McQuaid, Lapus Rock, Metal Punk, ainsi qu'au 3RMF.com au coût de $40 pour un soir ou $70 pour les deux soirs, 45 à la porte, quantité limitée. CD compilation remis gratuitement à l'entrée, une gracieuseté de Galley Records. Les 20 et 21 mars, c'est un rendez-vous à la bâtisse industrielle pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3RMF.com. Botan, la meilleure pizza en ville. Profite de nos spéciaux du lundi au vendredi et de nos 2-pour-1 sur la pizza. N'oublie pas non plus notre rabais midi de 10% de 11h à 14h. À 5 minutes de l'université, à pied, au 3097 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Livraison gratuite à partir de $6.99 plus taxes. Appel au 819-694-2694. Botan, la meilleure pizza en ville. Wi-Fi gratuit. Spéciaux de la semaine seulement disponibles au comptoir et en salle à manger. Visite le botanpizzeria.com pour d'autres promotions. Ne manquez pas Rock de Neurones tous les lundis soirs de 20h à 22h pour une émission consacrée au rock progressif. Venez entendre les classiques et découvrir les artistes moins connus. De Pink Floyd à Genesis en passant par Léormé, Banco, Arena, Archive et beaucoup d'autres, avec une sélection intéressante de groupes québécois des années 70 à aujourd'hui. N'oubliez pas, Rock de Neurones, les lundis 20h. Fou de changement. Vous êtes dans la zone 89.1. Je souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 24 février de l'an de disgrâce 2015, la dernière de février. Mois glacial. Je dirais même plus, mois exaspérant. Mais on va y arriver, c'est-à-dire Noël prochain en même temps que tout le monde, on va y arriver. Et on sera toujours l'hiver. Bah! On vient d'entendre à l'instant, avant cette pause publicitaire, la formation britannique Biomechanical. Cette formation qui n'a pas été très productive depuis 2001, puisqu'elle ne compte que 3 albums complets studio entre 2002 et 2008. Nous, on vient de se taper une pièce tirée de celui de 2005, soit The Empires of the World et la pièce Existence. Puis c'est une très bonne formation. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Ils donnent dans un amalgame entre le groove et le progressif, parfois très influencé, je dirais, par Judas Priest, mais d'une façon très survitaminée. Présentement, ils ne sont pas en activité, ils sont on hold, en pause, si vous préférez. Donc, on doute bien que bientôt, il y aura 8 ans qu'ils n'auront pas sorti aucun album. Mais la formation est toujours existante, semble-t-il. Juste auparavant, nous avions une formation américaine qui, elle aussi, donne un peu dans le même genre, soit Atheist, et la pièce When the Beast, qu'on trouve sur leur dernière parution de 2010, soit Jupiter, qui est paru sur l'étiquette Season of Mist. Nous avions Megadeth, formation américaine également, qui, elle, donne dans un technical trash metal, et la pièce The Skull Beneath the Skin, qui est une pièce tirée de l'album, du premier album, Killing is My Business and Business is Good, de 1985, à l'époque sur Combat Records. Et nous avons ouvert avec une autre formation qui donne dans un thrash metal technique, formation suisse qui aura pris une longue pause en 96 pour revenir en 2010. Il s'agit de Coroner. Et la pièce étant Green, la pièce titre de cet album, Green Nails Hearth, et qui est paru en 93 sur Noise, c'était aussi également, c'est toujours également à l'heure où on se parle, le dernier album complet studio que Coroner nous ont offert en 93. Puisque en 95, ils ont sorti un album compilation qui portait simplement le titre de Coroner, qui est très bon. Et en 96, The Unknown, qui est un Unreleased Tracks de 85 à 95, que je ne possède pas, que je n'ai jamais entendu d'ailleurs, mais la formation est active, du moins pour certains festivals. Est-ce qu'ils rentreront en studio? C'est à suivre. Moi, j'aimerais beaucoup, parce que j'ai toujours aimé ce qu'ils faisaient. C'était, ma foi, une musique recherchée et intelligente dans le thrash metal. Ce soir, on a deux... Il n'y a pas d'émission proprement dit à caractère très spécial. Il y a deux présentations, soit la première dans quelques instants, qui est une formation qui porte le nom de Shadowspawn. Shadowspawn, c'est une formation qui vient du Danemark. Je vous en parle dans quelques instants. Et il y aura aussi, c'était bel et bien cette semaine que je devais le faire, c'est-à-dire la présentation de l'album Marca, qui s'arrêtera cette semaine, ce mois-ci, devrais-je dire, à Meshuga. Un peu plus tard dans l'émission, on aura, bien sûr, un aspect, ma foi, évocateur de ce qu'est le bon death metal. J'ai une chronique cinéma, bien entendu, qui est relativement bien garnie, et une petite chronique musique qui accompagnera le tout. Et je saupoudrerai tout ça de choses incohérentes et probablement fort peu intéressantes. Ceci étant dit, nous allons y aller tout de suite avec cette présentation de la semaine, qui est une formation que j'ai, il est un peu normal que je vienne la découvrir, puisqu'il s'agit de sa première parution officielle, et c'est un EP en plus. Il s'agit de la formation du Danemark Shadowspawn, qui donne dans un death thrash metal. J'ai trouvé ça quand même assez correct, je dois dire. Mille pardons. Je lui ai accordé une note sur le site de réanimation dans les petites chroniques que je fais. Les chroniques sont toutes tout aussi mensongères les unes que les autres, je dois dire. Shadowspawn, je lui ai accordé une note de 7 sur 10, quand même, je dirais, assez honorable. L'album étant Ashes of Sorrow. C'est sous l'étiquette que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Horror Pain Gore Death Productions. Et c'est à voir. Comme je dis, ce n'est pas la découverte de l'année. Quoique l'année est encore jeune, faut le dire. Mais ça s'écoute bien. Le vocal de Kenneth Everson est assez intéressant dans le genre outre-tombe, si on veut, là. C'est une production qui est tout à fait correcte. Puis une présentation graphique qui est aussi tout à fait correcte. Je dois dire que cet album-là ne sera probablement pas à l'histoire, mais il est fort probable que j'en ramène à l'occasion ici à Réanimation, parce que j'ai trouvé ça, dans l'ensemble, fort acceptable. Je vous propose trois pièces qui sont respectivement Life is the Way You Die, Elevation et Slaves of Disillusion. Donc, allons nous taper trois pièces de cet album, Ashes of Sorrow, Shadowspawn. Go!

de Fougue. 89.1. Vous êtes geek et vous vous assumez. Le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante aussi. Retrouvez Television Television, CNX, Merci Science, Wowat Web, C'est un fait Tech Edition, en plus de la chronique sur les jeux rétro de Samuel Girard et d'une sélection irrésistible de musique chiptune. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 13h à 15h, en rappel les jeudis à 17h. Le temps d'une pinte, microbrasseurs et micro-torréfacteurs se rassemblent pour vous faire découvrir des saveurs locales du petit matin jusqu'en fin de soirée. Des bières traditionnelles et novatrices, des cafés frais torréfiés autour d'une table évolutive et originale. Lieu de prédilection pour une session d'études, un souper et une soirée conviviale dans un cadre rustique évoquant l'époque ouvrière. Parce qu'il fait soif d'originalité et de qualité. Oyez, oyez, gentes dames et beaux damoiseux. Vous désirez vous impliquer et participer activement à la vie du campus de l'UQTR? Voici l'occasion unique pour vous de dépoussiérer votre CV et de faire épanouir votre réseau social. L'Association générale des étudiants de l'UQTR a des postes à combler. Du 16 au 27 février, je répète, du 16 au 27 février, la période de mise en candidature débutera. Venez chercher votre feuille de candidature au local du 10-22 du pavillon de la vie étudiante. Tous les postes sont ouverts. Imaginez! Vous pourriez être président, président, ou encore le bras droit du président à titre de secrétaire général. Sans oublier les multiples autres domaines dans lesquels vous pourriez devenir vice-président. Et tout cela vient sans oublier avec une bourse annuelle d'une valeur importante de $11,425. $11,425. Imaginez le nombre de pizzas et d'amis que cela achète. Pensez-y et venez chercher votre feuille de candidature au 10-22 du pavillon à la vie étudiante. Vous avez jusqu'au 27 février. Bonne chance, valeureux membres. Fou de Mathieu Plante. 89.1. Et vous êtes à l'écoute de Réanimation The Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h. Juste avant cette pause publicitaire, c'était la présentation de Shadowspawn et l'album, en fait, des extraits de l'album Ashes of Sorrow paru le 3 février dernier sur l'étiquette Horror Pain Gore Production. On vient d'entendre les pièces Slaves in Disillusion, Elevation et Life is the Way You Die, qui étaient respectivement les trois premières pièces de cet album. C'est leur premier, premier mini-album Ashes of Sorrow, puisqu'il contient six pièces au total. Et j'ai essayé de me documenter un peu sur la formation et il semble pas que ce soit des membres. C'est pas un groupe de jeunesse, là. C'est pas un jeune band dont les membres ont entre 16 et 20 ans, là. C'est plutôt des adultes. Puis je dirais même certains ont peut-être proche la quarantaine. Bah, ils étaient majoritairement tous membres d'une ancienne formation qui s'appelait Cinerator, que je ne connais pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est tout à fait correct que cette parution de Shadowspawn soit Ashes of Sorrow. Je vais vous faire une petite chronique. On va poursuivre au niveau musical parce que le 6 mars, ça c'est très bientôt, c'est l'album de Enslaved Times qui sera disponible. Et aussi, la même date, Moonspell et l'album Instinct. Et le 7 avril, Morgoth et l'album On God. Morgoth, c'est une formation qui a été muette pendant un bon nombre de temps et qui nous est revenue. Moi, j'aimais bien ce qu'il faisait. C'est un peu dans le dark metal. C'est assez intéressant. J'ai hâte d'entendre la nouvelle parution de Morgoth. Je dois dire que j'ai deux ou trois trucs là qui me sont venus à l'oreille là depuis la dernière semaine. Je vais y aller avec le moins bon, qui est une formation qui vient de des États-Unis. Il s'agit de Merciless Death et l'album Taken Beyond. C'est une formation de thrash metal. Ben, je vais vous lire textuellement ce que j'ai écrit sur la chronique du site de réanimation. C'est assez évocateur. Soit dit en passant, c'était disponible en CD, mais il n'y avait seulement que 1000 copies. Donc, on parle ici d'une formation qui débute et qui a des moyens, qui est là. Je ne sais pas trop quoi, par où commencer. C'est très amateur, c'est maladroit, c'est stéréotypé, c'est vide. Bref, c'est pas très bon. La production est assez ordinaire. Il faut dire que j'ai entendu pire que ça, effectivement. Le drum sonne comme un mauvais VST. Puis ça, c'est vraiment achalant par moment. Puis par contre, on marque vraiment que sur l'alignement, il y a un véritable batteur, mais ça sonne vraiment synthétique. Le vocal n'est pas bon. Il est plutôt, c'est très banal comme vocal, ça n'a aucune qualité proprement dit. La présentation graphique laisse beaucoup à désirer d'ailleurs aussi. C'est assez ordinaire. J'ai entendu bien pire que ça, mais je vous dis honnêtement, là, Merciless Death, là, Def, je crois que c'était à éviter. Je lui ai donné un 2 sur 10, puis je me le demande encore pourquoi. Autre album que j'ai trouvé, par contre, tout aussi fort correct, possiblement, que Shadowspawn. Il s'agit de la formation polonaise Davos. La Pologne, c'est très fort depuis un certain temps. Là, je dois dire que ce qui sort généralement de la Pologne, c'est dans le métal, dans ce qui est tendance death, c'est vraiment bon. On parle ici de Davos, c'est un technical death metal. L'album s'appelle The Theodicy. Je vais vous le présenter la semaine prochaine. J'ai donné un 7 sur 10. C'est la quatrième sortie studio pour cette formation que j'ai découvert là. Puis je dois vous dire que j'ai été agréablement surpris. C'est fort intéressant, Davos. Donc, on s'en reparlera la semaine prochaine. Et aussi, écoutez, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est disponible à la fin de la semaine ici. Là, il s'agit de la formation qui est originaire initialement de Jérusalem, qui est maintenant relocalisée aux Pays-Bas. Il s'agit de Malakesh, le nouvel album Enki. J'ai eu le loisir d'en écouter une bonne partie et je dois vous dire honnêtement que c'est vraiment excellent, excellent. Je lui ai donné jusqu'à présent une cote de 9,5 sur 10. C'est un très bon album. C'est probablement ce que j'ai entendu de mieux jusqu'à présent depuis le début de l'année 2015, dans le métal, bien entendu. Ça va être disponible vendredi prochain. C'est vraiment excellent sous étiquette Nuclear Blast, Malakesh. Ça aussi, la semaine prochaine, on s'en parle, c'est certain. Donc, écoutez, il y a eu quand même des bons trucs là, que j'ai découvert durant la dernière semaine qui sont à sortir aussi cette semaine et la semaine prochaine. Donc, peut-être que là, on va commencer à tomber dans des mois un petit peu plus productifs et un petit peu plus profitables pour les sorties métal, pour les amateurs, que vous êtes bien entendu. Je reviendrai avec une chronique cinéma un peu plus tard parce que tout de suite, c'est l'album marquant du mois. Vous savez, l'album marquant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore au fait de ce que c'est, ben c'est pas de vos affaires, voilà. Blague à part, c'est un album, je présente un album, en fait une portion d'album qui m'a marqué en tant qu'amateur de musique, en tant qu'amateur de métal, qui m'a remarqué au fil des années depuis que j'écoute du métal et ma foi, il y a déjà beaucoup longtemps, peut-être même trop. Non, pas trop longtemps, mais il y a déjà beaucoup de temps que j'écoute du métal, donc ça se compte en décennies et en décennies. Donc, il y a plusieurs albums qui m'ont remarqué comme ça au fil des, justement, de ces décennies, de ces sorties-là. Et j'ai retenu pour ce mois-ci une formation que j'aime énormément. Il s'agit d'une formation qui joue dans un technical groove, trash, death, gent metal, par moment expérimental. Il s'agit de Meshuggah, une formation qui vient de Suisse, qui existe depuis 1987. Aujourd'hui, j'attarde cette présentation à l'album Chaosphere, qui est le troisième album complet studio qu'ils ont fait paraître en 1998 sous étiquette Nuclear Blast. C'est vraiment encore pour moi le meilleur qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils ont d'excellents albums. Écoutez, Nothing, c'est excellent comme album. Destroyer is Improved aussi. Si on parle des derniers albums, sur Colossus, Obscene, c'est vraiment très bon. Mais pour moi, l'album fétiche, l'album chéri que j'ai de cette formation, mais je suis grâce à Chaosphere. Je vous propose d'écouter quatre pièces qui seraient en fait, principalement ou à peu près, je dirais, pratiquement la moitié de cet album, parce que bon, on a un temps limite ici là qu'on doit respecter. Donc, si on veut avoir autre chose que du Meshuggah, ben je me suis contenté de dire, je vais présenter les quatre premières pièces de cet album, soit Concatenation, Numerium de Cyanic Christ, Corridor of Chameleons et Neurotica. Donc, allons-y maintenant. Je vous propose Meshuggah tiré de Chaos Fear. Go! beaucoup de variété. 89 ans. Samedi le 28 février prochain à 21h30, votre café-bar Le Zénob vous présente le spectacle des formations Renard Blanc et Noël. 5$ à la porte. Pour une soirée indie alternative, à la fois rock, pop et folk, soyez au rendez-vous ce samedi 28 février à votre café-bar Le Zénob. 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Monsieur Tremblay, Madame Dubreuil, si je vous ai convoqué à mon bureau aujourd'hui, c'est parce qu'encore une fois, Mathis, cette semaine, s'est amusé, a pris plaisir à faire des blagues sur la surcharge pondérale de sa camarade de classe, la petite Julie. La petite toutoune, là! Mais oui, la petite toutoune, c'est notre voisine! C'est pas toujours le bon moment pour rire. Pour ça, il y a l'impro à la chasse-galerie. Jeudi le 5 mars, venez voir la Luître dans un format feutré et théâtral. 20h, chasse-galerie, gratuit. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à Frank Zappa, en passant par les Beatles, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 18h. En rediffusion, les samedis à 20h. Fou d'exotisme. C'est fou. 89.1. Oui, vous êtes à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show. En ma compagnie, votre humble serviteur, Dr. Pain Pendragon, sur les ondes de Cifou 89.1 FM et jusqu'à 21h. Avant cette pause publicitaire, nous avons entendu la présentation du mois qui s'intitule L'album marquant et s'adressait à Meshuggah, Chaos Fear. Cette troisième parution de cette formation suédoise, parue en 1998 et comme je le disais tout à l'heure, qui demeure toujours ma préférée de ce groupe. J'ai entendu quatre pièces, soit la moitié de l'album. Juste à l'instant, il y a quelques instants, on a entendu Neurotica. C'était précédé de Corridor of Chameleons, qui est une de mes préférées de l'album. New Millennium Saint Christ. Et en ouverture, Concatenation. Notez que cette version de Concatenation est la version, bien entendu, studio. Mais que l'on retrouve aussi sur une compilation de 2001 qui porte le titre de Rare Tracks. Par contre, ici, cette version de Concatenation était un remix et ça avait été fait en collaboration avec je ne sais plus qui, peu importe. C'est une version qui, ma foi, tout aussi intéressante. 20h22, ça s'est étendu, allons faire une petite tournée dans ce qui s'est passé au niveau du cinéma, du moins de ce que j'ai vu moi, bien entendu. À noter que ce vendredi, le 27, c'est bien ça le 27 vendredi, je ne m'abuse, oui, c'est bien cela. C'est la sortie d'un film qui, j'ai tout bon espoir qui sera intéressant, il s'agit de Lazarus Effect. Un film qui est de André Di Stefano. Donc, c'est une équipe de chercheurs universitaires qui découvrent comment ramener les morts à la vie. Et ils ne peuvent s'imaginer ce qu'ils ont fait. Donc, ça risque d'être intéressant pour les amateurs de films à caractère zombie, bien entendu. Ce que j'ai écouté, moi, eh bien, j'ai écouté un film qui s'appelle Kill the Messenger, qui met en vedette Jeremy Renner. Et aussi la participation de Ray Liotta dans cette production de Michael Cuesta. C'est un film dramatique à caractère, ben en fait le film dramatique, oui c'est dramatique pour le moins, je dirais même à la rigueur quelque peu thriller à caractère biographique puisque c'est un passage de la vie du journaliste qui portait le nom de quel était son nom déjà? J'ai bien la misère à lire. Ah oui, Gary Webb, qui, en fouillant, il faisait partie d'un journal qui était local, un tirage intéressant, mais c'était quand même pas le New York Post. Le New York Post, pardon. Et il découvre que probablement que le CIA fait des affaires avec les Contras. À l'époque, dans les années 90, les Contras, ben, ce sont bien sûr ceux qui étaient des mercenaires, mais en fait, ceux qui faisaient la guérilla, si on veut, au niveau de la guerre des stupéfiants en Colombie. Et il met ça à jour, et c'est les embûches qu'il découvre, qui se dressent devant lui pour qu'il soit capable de découvrir quel est le fond de cette vérité et la mettre à jour, effectivement, les menaces qui s'en suivent, et malheureusement, une fin relativement tragique. Et j'ai apprécié ce film parce qu'il est très bien fait, il est bien amené, c'est captivant. Jeremy Renner est excellent dans son rôle. Puis en plus de ça, moi j'aime les films à caractère qui sont tirés de faits réels, donc je lui ai accordé un 7,5 sur 10. Autre film que j'ai écouté, il s'agit de Stalingrad. En fait, ce n'est pas celui qu'on a connu. Ben, en fait, pour les amateurs de films de guerre, bien sûr, là, en 93, il y a eu une excellente version de Stalingrad qui est un film russe. Ici, on parle de Stalingrad version 2013, qui est un film de guerre aussi, qui met en vedette des acteurs dont j'ignore totalement l'existence et encore plus difficilement à prononcer leur nom. Je peux vous dire que c'est un film de Fedor Bondarchuk. Ben, bref, c'est une des... on se consacre ici à un épisode particulier lorsque le Troisième Reich a voulu envahir Stalingrad par le fleuve. Ça, c'est une petite poignée de soldats qui résistent dans une petite, très petite bourgade, petite ville, qui est à proximité des rives du fleuve. Et ils se sont reclus dans une maison avec quelques civils. Et je dois dire que j'ai trouvé le film quand même fort correct. Il y a des scènes qui sont... j'aime les films de guerre, évidemment. Devrais-je expliquer pourquoi j'ai aimé le film de guerre? Non, hein? Bon, c'est pas nécessaire. J'aurais pas à me justifier cette fois-ci. C'est bien fait. Et malgré le fait que ce soit un film étranger, parce que, bon, on est un petit peu moins habitué ici, en Amérique du Nord, à côtoyer les films qui sont plus slaves, disons, ou même bolcheviques à la rigueur. Mais c'est un film qui se débrouille très, très bien. Il y a de bons acteurs. De bons acteurs, je présume qu'ils sont connus à l'extérieur du Québec, là, mais ici, j'ai trouvé qu'ils faisaient un bon travail. L'histoire est bonne. Il y a de bonnes scènes d'action aussi. Donc, je vais garder un 7 sur 10. C'est disponible en DVD en Blu-ray. Il s'agit de Stalingrad, mais version 2013. Notez qu'il ne fait pas d'ombre du tout à la version de 93, qui est beaucoup plus prenante. Autre chose, il s'agit de Nightcrawler. Ça, c'est un excellent film, Nightcrawler, qui met en vedette Jake Gyllenhaal, Ronnie Russo et Bill Paxton. C'est un film à caractère thriller, je dirais criminel aussi. C'est un film de Dan Gilroy qui raconte l'histoire d'un pauvre type, un paumé à prime abord, qui se cherche une vocation ou un travail, si vous voulez, dans la vie, parce qu'il faisait des petits larcins pour arrondir les fins de mois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il découvre que sur des scènes d'accidents, sur des scènes de crime, il y a des gens qui se précipitent pour être capables d'avoir les premières images, les premiers shootings, les premiers clips de ça et les vendre à des différents canaux qui les rachètent pour les diffuser en Prime News, bien sûr. Et il dit, ben oui, pourquoi pas je ferais ça? Donc, il débute de façon, je dirais, assez modeste, mais il a une technique qui est assez arrogante, qui lui permet d'avoir des prises de vue qui sont, plus vrai que nature. Et il est tellement, mais tellement attentif à tout ce qui se passe qu'il est souvent le premier arrivé sur place au détriment de gens qui ont beaucoup plus d'expérience que lui, ce qui fait des jaloux, bien sûr. Et il est pris sous l'aile d'une directrice de salle de nouvelles qui est interprétée par Ronnie Russo, qui avait belle lurette que j'avais pas vue, qui a plus ou moins bien vieilli, soit dit en passant. Et elle lui achète tous ses trucs, ou à peu près. Mais lui, il a une façon de voir et de concevoir la vie qui est très tranchante, qui est très cartésienne, qui est pratiquement sans aucune émotion. Donc, ça fait de lui un personnage très particulier, je dirais même un peu surréaliste par moment. Donc, c'est un très bon film. C'est vraiment bien, bien apporté. C'est même très captivant, je dois le dire. C'est un film qui nous tient en haleine parce que le jeu de Jake Gyllenhaal est vraiment excellent. C'est un personnage qui a une physionomie particulière au niveau du visage. Donc, ça lui donne encore plus de crédibilité dans son rôle assez tordu. Je lui accorde un 8,5 sur 10. Film que je n'ai pas aimé, pas vraiment, non, qui met aussi en vedette Jake Gyllenhaal, mais c'est un film de Denis Villeneuve, ce cinéaste québécois qui, ma foi, faut l'avouer, fait de plus en plus sa marque au niveau du cinéma international, qui met en vedette aussi Mélanie Laurent et Isabella Rossellini. C'est un film à caractère mystère, thriller. C'est l'histoire de Gyllenhaal, encore, qui interprète le rôle de Adam, un professeur très discret, très réservé, qui découvre un jour qu'il a quelqu'un qui est complètement son sosie, mais parfaitement de A à Z, incluant les cicatrices aux mêmes endroits et ainsi de suite. Et il en fait une fixation, c'est un acteur, il en fait une fixation, puis il veut découvrir qu'est-ce qui se passe. Mais c'est tellement lent, mais tellement lent, ça n'a aucune espèce d'allure être lent comme ça, suffisamment pour nous faire décrocher. C'était pénible de vouloir accrocher au point tel que ça, j'ai pas été capable de le faire. J'avoue que le jeu de Jake Gyllenhaal est vraiment bon dans ce film. Mais par contre, c'est un film qui est ennuyant et qui ne décolle pas. J'ai accordé un pauvre 3,5 sur 10 et je n'ai pas l'intention de vouloir lui donner une deuxième chance, honnêtement. Le film que je vous propose de découvrir ou de revoir est un film de 1994 de Neil Jordan, inspiré par un roman de... des romans, mais principalement un roman de Anne Rice, Vampire Chronicles. Il s'agit de Interview with the Vampire, qui met en vedette Tom Cruise, Brad Pitt et Antonio Banderas, entre autres. C'est un très bon film de vampire. C'est admirablement bien interprété. C'est vraiment le film typiquement très gothique de vampire, comme on les aime, ou en fait, comme on devrait les aimer pour les amateurs du genre. Tom Cruise est vraiment bon, mais une fois de plus, Brad Pitt est excellent dans son rôle. C'est vraiment très, très bon. Ça reproduit dans une version raccourcie, bien entendu, mais assez bien les écrits d'Anne Rice. Donc, je lui donne encore un 8,5 sur 10. Interview with the Vampire, The Vampire Chronicles de 94. C'est vraiment excellent. Musicalement, j'allais oublier que ce vendredi... comment pourrais-je oublier ça? Ce vendredi... C'est Rock Classique dès 11h, en compagnie du Rockmaster et de moi-même, votre humble serviteur, le Dr. Payne Pendragon. C'est la dernière émission de février, bien sûr, parce que nous serons le 27. Et le Rockmaster m'a grandement insulté avec le choix de mes choix de programmation, puisque oui, effectivement, cette semaine, j'ai choisi majoritairement dans ma portion de programmation des pièces à tendance progressive, ma foi, des fois très longues, mais l'intitulé, le spécial... longtemps. J'espère que ce n'est pas préjuratif. Bref, dans cette édition de réanimation, mais de rock classique, bien entendu, alors des groupes comme Tal Caravan, Frank Zappa, Pink Floyd, Genesis UK, King Crimson, Rush, Dharma Vishnu, Orchestra, Van der Graaf Generator, et ça, nous aurons du KS. Alain vous présentera dans une farce complète, non pas de un, mais bien de deux albums vinyles classiques, soit Morrison Hotel des Doors, qui est un excellent album, et Prends une chance avec moi d'autres choses. Il y aura aussi la présentation de nouveautés, c'est-à-dire la nouvelle réédition de Physical Graffiti, qui est accompagnée du compagnon de disque de Led Zeppelin, et ainsi le live de Chicago de 1975, les groupes obscurs. Et cette chronique, Alain s'adressera à la formation du nom de Allison des années 70. Donc, écoutez, ça va être une mission qui va être très, très remplie. On va avoir beaucoup de plaisir à être... c'est vrai qu'on est d'accord à l'occasion, mais souvent en désaccord. C'est très drôle, en fait, pour moi. Et bien sûr, nous aurons tous nos collaborateurs habituels autour de nous. Donc, la semaine prochaine, tant qu'à moi, je vous proposerai, bien entendu, une incursion dans cet album de cette formation polonaise qui est Devos, formation dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'album TRDC. Et bien sûr, nous aurons faire une autre incursion aussi tout aussi importante, sinon plus la nouvelle parution de Marrakech, soit Enki. On continue musicalement, cette fois-ci avec une tendance death metal. Qu'est-ce que resterait réanimation sans death metal? Je me le demande bien. C'est pour cela que je vous en donne pour plus de 24 minutes. Allons-y, débutons tout de suite avec la formation Morbid Angel et Opening of the Gates. C'est tiré de Gateways to Annihilation, 'cause I said so, go! Thank you.

la pièce Nothing Left to Destroy. C'est tiré de Hans Black, qui paraît en 2012 sur l'étiquette Metal Blade. C'est vraiment excellent. Oui, c'est ça. Nous savons, nous avions Vader, la formation polonaise, et la pièce I Am Who Feast Upon Your Soul. C'est tiré de l'album Necropolis, qui est paru en 2009 sur Nuclear Blast. Et nous avions l'ouverture de bloc Morbid Angel et la pièce Opening of the Gates. C'est tiré de l'album Gateways to Annihilation, qui est paru en 2000 sur E-Rake. Je vous invite de continuer. Écoutez, c'est fou, après réanimation, on peut compter de 21h parce que c'est matière noire. J'imagine qu'Alex va être nous avec vous cette semaine. La semaine dernière, il avait un problème de santé, je crois. Je vous quitte avec deux dernières pièces qui seront respectivement de la formation italienne Hour of Penance, la pièce Decimate, The Ancestry of the Only God. C'est tiré de l'album Sedition de 2012. Et The Monolith Death Call, de formation des Pays-Bas, et la pièce Wrath of Bahat, que l'on trouve sur Triumvirat, qui est paru en 2008 sur Twilight Vertribé. Et soyez des nôtres la semaine prochaine. Soyez des nôtres ce vendredi pour Eclipse, bien entendu. Soyez des nôtres mardi prochain pour réanimation, puisque nous aurons des présentations fort intéressantes. Et comme je vous l'ai dit, restez parce que c'est Matière Noire qui débute dans environ une douzaine de minutes. Sur ce, je vous incite à respecter et à bien suivre les prescriptions de votre bon docteur, ça c'est moi, et d'aller tous vous faire foutre. Go, see you. We'll be right back. Ishtikaya labja vada uriya Ishtikaya labja vada uriya Ishtikaya labja vada uriya Ishtikaya labja vada uriya